prenais mon pic, et si je trouvais les mots, et si je prenais mon pic, et si je trouvais les mots, et si je prenais mon pic, et si je trouvais les mots, pour résumer cette vie qu'on subit dans un enclos, soumis par le système, on essaye de se faire une place, 6 milliards d'êtres humains, on laissera pas tous une trace, moi j'ai rien d'exceptionnel comme une grosse majorité, je peux pas dire que ça me chagrine en toute sincérité, seulement voilà, 2010, une ère nouvelle où la connerie se normalise, où l'inculture est un modèle, un coup de télécommande pour moi l'étendue des dégâts, une bonne télé HD pour voir des débits en détail, à croire qu'on nous rend compte pour mieux faire passer les pilules, des décisions aberrantes du pantin qui gesticule, y'a quoi s'en faire pour la prochaine décennie, quand on voit à quelle vitesse la folie se dissémine, faut pas se mentir, notre espèce qu'on a sa perte, mes frères faire fermer les yeux sur ce qui se passe au pas de sa porte.